mes rendre visite ou y offrir un compliment. Moi connais un bordel, moi toujours des bordels. Pour mes rendre visite ou y offrir un compliment. Ça va pas parler, y a fort déballer. Dans deux trois jours on va marier. Faut commander quitter aïe. Ça va pas parler, y a fort déballer. Dans deux trois jours on va marier. Faut commander quitter. Fia pas l'aise, fia pas vivre. fier de mon voisinage, sous côté né. Vous comprenez? Lire les voisines, la dit voisine. Soit comprendre la bagaille ça. Gardez ma avec Antoine, soué. Antoine a mal fait de Blancaïla. Laisse-moi l'Antoine a dormi. Depuis le boucher de Bobto. Pas comprendre la bagaille ça. Voisine, regardez donc. Où est Marie? Moi, Marie, t'es comme ça tout. Marie, t'es comme ça tout. Regardez donc. M'gouti poud. M'bali. Comment? Depuis le vide. Ma part, on dit bagaille, mais ballon, mais non, pas dis moi pour rien. Parce qu'on est du voisinage, c'est bien qu'il y a là. Bah, ça, vous moi, mettez mon genre. Il dit, ok, voisin. Il dit, bah, un petit poudre, un petit papier. Premier jour, monsieur, dans le travail, madame a mis ton petit dose, monsieur. Oh, l'homme s'est rentré, monsieur, par un temps. Enfin, niam, niam, on s'est mangé. Moi, non, j'ai mangé, c'est décontrôlé. J'ai dit, chéri, on va le côté, monsieur. Et puis, le beau fier dans la tête bouche. Ah, il y a content. C'est le premier prise là, donc on va aller. Deuxième, vous allez augmenter dans ce bout là, monsieur. Oh, même les amis qui est embrassé, madame, depuis dans la porte, maintenant, tout le monde, à partir d'aujourd'hui, c'est mon chita sous la pour moi, ensemble avec Mario. Oh, troisième, vous allez augmenter dans ce bout là, monsieur. Oh, sans que je dis bien, chérie, je vais demander de congé dans le travail, moi. Pour me capable de comprendre, faire tout ça, je vais faire dans le travail, moi. Je vais demander de congé. Et puis monsieur, il a l'entravé, l'arrivée jeune blanc, il dit blanc. Oye Chico, what you be tonight, del congé go. Blanc même pas comprendre, monsieur blanc dit, ke. Oye Chico, what you be tonight, del congé go. Alors t'es con l'autre ici, là comme qui finit comprendre. Il dit blanc, ça va dire, ah bon, congé. Ok, good. Et puis même là, j'ai viré, j'ai la cali. D'arriver, madame se dit, oh, chérie, avant que t'as tourné, il y a chérie, nous autres demandons congé, blanc bon congé, pour la malaise, d'être travail là. Oh, pendant j'ai carbone pour le ciel, mettez-le se coucher, il m'a compresse, j'y vais au sol avec l'aide évaporée dans tête touchée. J'ai vu le soir dans le travail là. Mais, monsieur de gros amis, à chaque fois qu'on a pu manger, il toujours mené les amis dans le travail là tout, mes amis ont tout participé dans le bout de là tout. C'est pas là, vous comprenez? On dit Jean Bagay Choy, vous comprenez? Oh, boulez. Alors c'est ton dimanche, monsieur couche avec moi dans le bail. Alors t'es con rideau à red, vous le mettez dans le bidon. Mon droit, il copie red dans la porte là, le baril porte là. Alors monsieur, vous avez des quantifies, tu fais acheter dans la porte là. Voisine même qui veut marquer le pas, ouais. Voisine même depuis le film, bal, petit pout là. Pour voisine capable de résister à sa passée. Voisine n'a pas été dans tout là. Voisine. Et puis j'en ai même regardé dans voisine. J'en ai dit, il y a des tifs, il y a des gardes, non. Allez, voisine, non, voilà. Allez, voilà. Alors c'est de voir la pétro propre. Vous comprenez, mais aïe, aime tout ça, c'est pas si grâce à faire. C'est pas si grâce à faire. Oh, voilà, dit pas, vous arrivez. Voilà, dit pas, fondant à plein, peut-être, tout seul langue. Là, il y a une belle langue dans le travail. Belle langue dans le travail. Donc, où est-ce qu'il faut pas presser plein. On va aller pour le vini, l'air pour le vini, faut attendre. Avec l'homme, non, ça va qu'il y a fait. En Colombia.